Charles Malateau, Dieu et la lumière, dialogue sacré ou sacré dialogue. La scène représente tout d'abord Dieu, barbe blanche et costume adamite, entouré de quelque chose de trouble ressemblant à rien du tout. Ce vague rien du tout est le chaos. Dieu, se parlant à lui-même, tout-puissant et seul. Tout-puissant, c'est beau, mais seul, c'est triste. Pas moyen de faire une manie à quatre, ni même de jouer au piquet, idéal bien terre à terre, cependant. Et que me sert d'être tout-puissant si personne n'est là pour le constater? Dieu baisse la tête, se gratte le nez, et s'abîme dans la méditation. Il y a une éternité que cela dure, puisque j'ai toujours existé, c'est suffisant. Il ne faut pas que cela dure encore une autre éternité. Sinon, je finirai par me suicider, tout au moins par m'endormir à force de me regarder le nombril. Contemplation philosophique, certes, mais fatigante à la longue. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Voyons, si je me mariais. Oui, mais je pourrais être cocu. On a beau être Dieu, c'est toujours embêtant. Et puis, que je suis bête. Avec qui ou avec quoi me marierai-je puisque je suis tout seul? Nom de Dieu, de nom de Dieu. Bon, voici que je m'apostrophe moi-même. Pas moyen de voir clair dans la situation. Sursautant. Oh, quelle idée, voir clair. Si je commençais par créer la lumière. D'un ton énergique de commandement. Fiat lux. L'obscurité du chaos se transforme immédiatement en une lumière éclatante et Dieu voit qu'il ne voit plus rien du tout. C'est épatant. On voit clair, très clair. Se frottant les yeux. Trop clair même. Il faudra que je baisse la mèche de la lampe. Lumière un peu moins d'éclat, s'il te plaît. La lumière s'atténue un peu. Là, c'est parfait. Maintenant c'est clair, mais c'est vide. Que faire de ce vide lumineux? La lumière, remplis-le. Dieu. Tiens, la lumière qui me donne des conseils. La lumière, vexée. Et pourquoi pas? La lumière, c'est l'intelligence, la raison. Je ne te conseille pas d'engager quelques jours la lutte avec moi. Tu serais battu et obligé de reconnaître que tu n'existes pas. Dieu, indigné. Que je n'existe pas, moi, qui viens de te créer. La lumière. Tu ne m'as pas créé le moins du monde. Tu es incapable de créer quoi que ce soit. Ex nihilo nihil. Moi aussi, je sais le latin. Dieu, explique-toi. Est-ce que tu ne m'es point paru au moment même où je prononçais ces mots, fiat lux, la lumière? Pure coïncidence, mon cher. On ne crée rien avec rien. Je viens de te le dire en latin, je te le redis en bon français. Dieu, tu m'esbrouffes. La vérité m'oblige à reconnaître que tu m'esbrouffes. Mais continue. La lumière. Comme le nègre, moi qui suis la lumière. Enfin, je te dirai donc que la matière est éternelle, incréée, recelant en elle toutes les énergies et toutes les formes. Comprends-tu? Dieu, pas trop. Alors, qu'est-ce que je deviens dans tout cela, moi? Qu'est-ce que je suis? Une énergie? Une forme? La lumière. Une énergie? Ouh là là! Tu ne t'es pas regardé. Tu es une forme. Une forme passagère, transitoire, rien de plus. Dieu, voilà qui renverse toutes mes idées. Pourtant, je suis le créateur. La lumière. Alors, créateur, réponds-moi, qui t'a créé? Dieu, personne, j'ai toujours existé. La lumière. Et tu dénies le même droit, la même faculté à la matière? Tu n'es qu'une abstraction, une hypothèse. Et si je veux bien discuter avec toi, c'est tout simplement parce que je suis bonne fille. Dieu. Maudite raisonneuse, qu'es-tu donc toi-même? La lumière. Moi, je suis une des énergies de la matière, résultat des vibrations de l'éther infini. Je puis aussi me transformer en chaleur. Dieu, incrédule, oh! La lumière, en électricité. Dieu, oh, oh, la bonne blague! La lumière, en mouvement. Dieu, je me tords. Peux-tu aussi te transformer en intelligence? La lumière. Certainement. car ses forces en énergie latente, sommeillant dans l'éternelle matière et toujours prêtes à surgir, peuvent, en fin de compte, se réduire à une seule ? Dieu. C'est bien heureux, et quelle est cette force ? La lumière. Cette force unique, génératrice de toutes les autres et inhérente à la matière, c'est le mouvement. Dieu. Le mouvement. La lumière. Tout dépend de la quantité de mouvement, ou pour parler d'une façon plus scientifique, de l'intensité des vibrations atomiques. Tant de vibrations par seconde ne donnent que du mouvement pur et simple. Un plus grand nombre produira un son, un plus grand nombre encore de la chaleur obscure, un plus... Dieu, assez, je ne m'y reconnaîtrai jamais. Quel professeur de physique tu fais ? La lumière. Et toi, quel âne batté ? Mais j'ai tort de m'emporter contre toi, puisque tu n'existes pas. Dieu, à part, drôlesse. La lumière. Puisque tu n'es qu'une hypothèse, ou tout au plus un reflet trompeur. Alors je vais vulgariser pour tâcher de me faire comprendre. Dieu, vulgarise. La lumière. Suppose que j'ai un pied. Dieu, bien. La lumière. Et que je te l'envoie quelque part. Dieu, bien. Se reprenant. C'est-à-dire, comment tu oserais ? La lumière. Avec ça que je m'en priverais. Eh bien, si je ne te touchais pas trop fort, tu sentirais le mouvement. Si je frappais plus fort, ça te cuirait. Dieu, je comprends, la chaleur. La lumière, si je frappais beaucoup plus fort, tu verrais des chandelles. Dieu, la lumière, à part. Et le son, elle oublie le son. La lumière, il y a encore bien d'autres manifestations de l'énergie, bien d'autres forces. Les unes tellement latentes, les autres au contraire tellement intenses, que les sens des hommes ne sauraient les percevoir. Dieu, qu'appelles-tu les hommes ? La lumière. Certains animaux qui naîtront plus tard, dans de l'éternité, leurs atomes constitutifs existent déjà. Laisse le temps les rapprocher et tu les verras se former peu à peu. Dieu. Je serais bien curieux de voir cela. Seront-ils intelligents, ces hommes ? La lumière. Non, car pendant longtemps, dupés par les apparences, ils seront assez stupides pour croire en toi. Pourtant, à la longue, ils se transformeront. Tout se transforme. Dieu. Si je les crée maintenant. La lumière. Puisque je te répète que tu ne peux rien créer. Ils naîtront parce qu'ils doivent naître. Parce qu'est arrivé le moment de l'éternité où, dans une certaine partie de l'infini, la condensation des atomes doit former d'abord une nébuleuse. Dieu. Oui, mais les hommes. La lumière. Attends un peu. Une nébuleuse d'où jailliront un soleil et des planètes, parmi lesquelles une appelée Terre. Dieu, mais encore une fois, les hommes, la lumière. Corbleu, que tu apprêtes, et ce domicile alors sera la Terre. La lumière, tu l'as dit. Tu commences à devenir assez intelligent pour une abstraction. Cette Terre tournera autour du soleil. Dieu, bon, laissons-la tourner. La lumière. C'est ce que dira plus tard un nommé Galilée. La Terre recevra du soleil chaleur et lumière, son atmosphère s'épurera, elle deviendra peu à peu habitable. Dieu. Ah oui, les hommes. La lumière. Pas si vite. Elle sera peuplée d'abord de primitifs organismes. Les composés du carbone s'animant deviendront du protoplasma. Dieu. Fichtre, du protoplasma. La lumière. Puis des cellules, des monères, des amibes, des vers, des poissons. Dieu. Pas possible. Tout ça à la fois. La lumière. Non. Successivement. Puis des amphibiens, des batraciens, des mammifères, des prosimiens. Dieu. Ouf. La lumière. Des monocoques, des anthropoïdes, des pithécanthropes, des hommes. Dieu. Enfin. Des hommes. Nous y voilà. Je suppose bien que la série va s'arrêter là. La lumière. Tu te trompes. L'évolution ne s'arrête pas ainsi. Après les hommes qui ont 5 sens, il y aura des surhommes qui en auront 6, puis des hyper-surhommes qui en auront 7, et ainsi de suite. Dieu. Oh bah, et que feront tous ces gens-là ? La lumière. Ce qu'ils feront. Ils te détrôneront pour prendre ta place, s'élanceront à la conquête de l'espace, reliant les humanités et les surhumanités des terres du ciel. Ils créeront la magie scientifique par la transmutation de la matière et des forces. Ils deviendront de plus en plus la conscience vivante de l'univers. Dieu, piteusement. S'il en est ainsi, je n'ai plus qu'à m'en aller. La lumière, c'est ce que tu aurais de mieux à faire. Dieu s'écroule sur un nuage et, de désespoir, se mouche dans ses doigts. C'était Dieu et la lumière par Charles Malato.